s'est glissé dans mon cœur pour m'apporter le bonheur. Ma Vénus en blue jeans, depuis le jour où tu es venue, en effaçant mes années d'ennui, tu as changé ma vie. On peut bien raconter sur toi ce que l'on veut. Tu éclairais mes nuits près de toi.